Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 26 octobre 2016, c'est l'édition de la soirée. En voici les grandes articulations. C'est ce mercredi que le corps de notre confrère et ancien directeur de la radio Isanganiro a été inhumé en Belgique, dans la capitale Bujumbura. Une messe en sa mémoire a eu lieu à 11h à la cathédrale Regina Mundi. Reportage dès le début de ce journal. Le Rwanda est absent de la 21e session ordinaire réunissant les corps de défense et de sécurité de l'Afrique de l'Est dans le cadre de former une armée d'attente et de prévention en cas de conflit. Cela ne pose aucun problème, nous dira ambassadeur Chanfi Ismail, c'est le directeur de cette force. Alors que la Gambie vient de rejoindre le Burundi et l'Afrique du Sud en se retirant des statuts de Rome de la Cour pénale internationale, le président de l'Assemblée des États partis à ce statut appelle même les États non encore signataires à le ratifier. Et puis, un vol par effraction a été déjoué de justesse par une intervention de la police en zone hôtelière la nuit dernière. Mais ce phénomène inquiète toujours les habitants de cette zone. Ériger des maisons dans des zones non constructibles, c'est prendre un risque énorme. Des maisons ont commencé à s'écrouler le long de la Nahangwa à Kigobe. Albert Mbonerane, environnementaliste, sera notre invité pour nous en parler. Nous avons également des nouvelles de Provence, à Bubanza, Bururi, Mngaro et Karuzi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, je venais de vous le dire, c'est ce mercredi 26 octobre qu'ont eu lieu en Belgique les cérémonies d'inhumation du corps de l'ancien directeur de la radio Isanganiro, Vincent Kinshimana, mort le 14 octobre dernier après quelques jours d'hospitalisation à Bujumbura. Une messe en sa mémoire a été dite à la cathédrale Regina Mundi. Placide Niyomungere était là pour nous. Voici son reportage. À la cathédrale Regina Mundi, la famille de Vincent Kinshimana et ses connaissances à nombre important de journalistes se sont jointes à une autre partie de sa famille qui procédait à l'inhumation de son corps en Belgique. Dans son homélie, l'abbé Jean-Noël rappelle que Vincent avait connu le Tout-Puissant, d'où il était animé d'un esprit d'amour. Ce que j'ai vu à lui, c'est cet esprit de sagesse, esprit d'accepter l'autre. Je dirais que ces dons ne sont pas donnés à tous. Ce sont des dons d'une personne éreinte par Dieu. Comme l'apôtre Jean vient de nous le rappeler, nous aussi dans cette vie sur terre, nous sommes appelés à n'être guidés que par l'esprit des enfants de Dieu. Les relations que Vincent avait tissées entre les radios poussent la famille de la radio-télévision nationale du Burundi, où il avait commencé sa carrière, de le graver toujours dans leur mémoire. Vincent n'avait pas peur. Il mettait en avant l'éthique et la déontologie. Le reste, pas question de l'intimider. Il te disait, tant que je défends la vérité, j'aurai toujours à dire. Arrivé à la radio Isanganiro, les journalistes de la RTNB n'avaient pas peur d'aller jouer avec les journalistes de la radio Isanganiro. Ça, c'était grâce à Vincent. Parce que Vincent avait tissé des relations d'amitié entre ces journalistes de la radio Isanganiro et ceux de la RTNB. Pour la famille de la radio Isanganiro, où il avait passé environ 8 ans en qualité de directeur avant d'embrasser l'Institut Panos Grand Lac en 2015, sa méthode de résolution pacifique et de conflits interpersonnels reste un héritage à garder. Ce que nous, à la radio Isanganiro, nous garderons de lui, c'est la sympathie, cette sagesse qui n'a cessé de témoigner. C'est un homme qui trouvait solution à des problèmes qui hantaient la radio. C'est un homme qui traitait tout problème sportivement. De l'Organisation pour le Monitoring des Médias d'Afrique centrale, OMAC, précise qu'il y a beaucoup à garder de Vincent Kinshimana, dont le respect des droits de l'autre. Vincent était un bon travailleur, qui aime un travail de qualité, sage, qui prodigue de bons conseils, qui aime aussi l'exercice de la liberté d'expression et en même temps qui respecte les droits de l'autre. Même quand quelqu'un lui faisait du mal, il lui émettait plutôt un sentiment de gaieté. Rappelons que Vincent Kinshimana était né à Nyangé dans la province de Makamba en 1966 et est décédé le 14 octobre en Belgique où il a été enterré. Il laisse une femme et 5 enfants. Vie placide, que son corps repose en paix. Dans la suite de ce journal, un ou deux pays membres de l'East African Standby Forces peuvent être absents pour des raisons qui sont les leurs. Lorsqu'ils sont en nombre de 6, ils peuvent tenir une réunion sans problème, mais ça engage aussi les absents. Tels sont les propos du directeur de cette force. L'ambassadeur Chanfi Ismail l'a dit au moment où le Rwanda est absent à la 21e session ordinaire qui a réuni les corps de défense et de sécurité de l'Afrique de l'Est. Et c'est dans le cadre de former une armée d'attente et de prévention en cas de conflit. Les détails avec Evrard Avialiman. Il se tient ici à Bujumbura une réunion de l'EACF, East African Standby Forces en sigle, qui conclut l'année, c'est-à-dire le mois d'octobre et novembre. Ce sont des réunions qui se tiennent régulièrement sur la base des décisions des pays membres. Selon l'ambassadeur Chanfi Ismail, directeur de l'EACF, la réunion va porter essentiellement sur le plan d'activité de l'East African Standby Forces de l'année prochaine. Commençons nos réunions avec l'échelon des experts. Les experts des 10 pays membres viennent. Nous avons 10 pays membres que vous connaissez. Nous avons ici le Burundi, nous avons les Comores, nous avons Djibouti, nous avons Kenya, Éthiopie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan et Ouganda. Donc les experts de ces pays membres viennent. Ils tiennent une réunion de 2 à 3 jours. Nous avons terminé la réunion des experts hier. Un rapport est prêt pour l'examen des chefs d'état-major aujourd'hui. Nous allons vouloir savoir pourquoi le Rwanda est absent dans cette réunion, étant donné qu'il est membre de l'Union East African Standby Forces. L'ambassadeur Chanfi Ismail indique que les décisions qui seront prises seront applicables dans tous les pays membres. Dans nos réunions, un pays membre, deux pays membres peuvent être absents pour des raisons qui sont les leurs. Ça ne pose pas de problème pour nous parce que nous avons toujours tenu une réunion avec soit le quorum. Le quorum est, je crois, 6 ou 7. Lorsque nous avons 6 membres, 7 membres, nous pouvons tenir une réunion sans problème et ça engage les absents aussi. Les pays qui ne sont pas là sont engagés par les décisions que nous prenons. Donc, ce n'est pas un défi pour nous, ce n'est pas un problème parce que ça s'est déjà fait. On a eu des absences dans d'autres réunions et ça n'a pas empêché les réunions de se tenir et d'engager l'ensemble des pays membres. L'East African Standby Forces est composé de 10 pays membres et cette réunion se tient ici à Bujumbura depuis lundi jusqu'au vendredi de cette semaine. Evrard Avialiman, les pays africains continuent à manifester leur intention de se retirer du statut de Rome mettant en place la Cour pénale internationale. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie vient aussi de se retirer de cette cour. Le motif de ce retrait est presque similaire pour ces pays. C'est une cour qui ne poursuit que les Africains, ont-ils déclaré. Au cours d'une conférence de presse ce lundi, le président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome a quant à lui appelé même les États non encore signataires à ratifier ce statut. Aubin Niyonguru. Aux États qui ne l'ont pas encore fait, à rejoindre la CPI, comme vient de le faire récemment la Palestine et El Salvador. Le souhait de Siddiqui Kaba, président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, est que tous les États du monde soient partis à ce statut. Mais en moins de 3 semaines, 3 pays africains ont annoncé leur retrait, la Gambie étant le dernier après le Burundi et l'Afrique du Sud. Le continent africain contient plus de pays signataires à ce statut que les autres, à hauteur de 34 pays sur 54. Les autres pays africains qui se sont retirés de ce statut ou qui sont sur le point de se retirer sont entre autres le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, Zimbabwe et autres. Pour Siddiqui Kaba, président de l'AEP, tout État est libre de se retirer compte tenu de sa souveraineté, mais vu le besoin de justice dans le monde, il en appelle à un dialogue au sein de l'Assemblée des États partis qui va se dérouler du 16 au 24 novembre prochain. L'Assemblée des États partis est le cadre qui est créé par le statut de Rome où les différents États peuvent formuler leurs critiques et proposer des modifications législatives pour rendre la Cour plus efficace, plus à même dans l'indépendance et l'impartialité de rendre la justice. J'en demande et j'en appelle aux États qui sont sur le point de quitter, aussi qui sont sur le point de le faire, de donner une chance au dialogue, à la négociation, et de pouvoir discuter l'ensemble des questions et avec les 134 États pour trouver un consensus dynamique. Au total, 124 pays du monde avaient déjà ratifié ce statut, mais certaines grandes puissances montrent toujours leur réticence face à la CPI, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et autres. Merci Oba. Il s'observe des cas de vol dans la zone de Bouterele de la commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, plus précisément dans le quartier Bouterele 2, cellule 4, où des bandits essaient d'entrer par effraction dans les ménages de cette localité. Un phénomène qui a eu lieu la nuit de mardi à mercredi, la nuit dernière donc, où ces derniers ont voulu voler une famille de cet endroit, mais en vain, puisque la police est intervenue rapidement. Reportage signé Yves Gonziman. C'était vers minuit lorsqu'un groupe de voleurs ont essayé d'entrer par effraction dans un ménage situé au quartier Bouterele 2, série 4. Arrivés sur l'orier aux environs de 10h30, nous avons vu que les maçons ont terminé de construire la partie défoncée. Le chef de ménage indique que suite à l'intervention de la police, ces voleurs n'ont rien volé. C'était aux environs de minuit quand des bandits se sont introduits dans le ménage et nous, on n'a pas vu là où ils sont passés pour entrer. C'est ce matin que j'ai vu qu'ils ont trouvé la clôture. Ils ont essayé d'ouvrir la porte à l'aide de pierres trop lourdes d'au moins 50 kg, mais en vain. Et j'ai essayé de téléphoner mes voisins pour qu'ils viennent nous aider et ils ont téléphoné à leur tour. La police qui est intervenue rapidement. Ces malfaiteurs étaient torse nus. Moi, je pense que ce sont des voleurs, puisque dans ce quartier, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Cette famille demande d'augmenter les corps chargés de la sécurité dans cette localité et à la régie des eaux de diminuer le phénomène de délestage. Merci Yves Ngouziman. Les chargés de la distribution des parcelles devraient éviter de le faire dans des zones non constructibles, en se basant surtout sur les études d'impact environnemental. C'est l'environnementaliste Albert Mboneranek qui fait cette remarque, après avoir constaté que des maisons et des berges de la rivière Nahangwa continuent à s'écrouler ces derniers jours. Pour lui, même les propriétaires des parcelles devraient prendre conscience du danger qui les guette. Suivez-le. J'ai l'impression qu'il y a des gens, surtout nos dirigeants, qui ne se rendent pas compte de la gravité de ces catastrophes. Quand vous observez ce qui se passe du côté de Kigobe Sud, ou bien du côté même de Jabé, ou bien si vous montez du côté de Mutanga Sud, il y a des infrastructures qui sont en train de tomber. Ils attribuent des parcelles sans avoir mené des études d'impact environnemental. Mais aujourd'hui, des gens me disent « Non, nous avons respecté la disposition du code de l'eau, nous avons respecté les 25 mètres. À quoi ça sert de continuer à attribuer des parcelles dans une zone vraiment qui est, je dirais, fragile? Les gens qui acceptent les attributions de ces parcelles, est-ce que c'est par ignorance? Je ne crois pas, parce que ça fait longtemps que l'on continue à crier. Mais à quoi ça sert d'investir dans la construction d'un ouvrage, d'une belle maison qui, 2-3 ans après, va être emportée par la rivière? Albert Mboneranek sera l'invité du journal à la fin de ce journal. Après cette pause, nous ouvrons la rubrique « Appel à nos correspondants ». Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nous commençons par la province de Bururi, où plusieurs coups de feu ont été entendus sur la colline Mugendo Ndengo, en commune Mugamba. C'était le soir de ce mardi. La police à Bururi dit que les militaires étaient à la poursuite d'un malfaiteur et que l'opération n'a pas de lien avec l'arrestation de 3 jeunes gens sur la colline Mukike de cette même commune. Une arrestation intervenue le même soir de ce mardi. Jean-Pierre Misako. Les informations recueillies auprès de certains habitants de Mugendo Ndengo indiquent qu'ils ont été terrorisés par plusieurs coups de feu entendus sur cette colline le soir de ce mardi. Au niveau du commissariat de police à Bururi, l'on confirme l'information tout en précisant que c'était des militaires qui poursuivaient un présumé membre des groupes armés opérant dans Mugamba et dans les environs, un présumé malfaiteur qui est parvenu à se sauver, laissant derrière lui son vélo qui a été récupéré par ces militaires à sa poursuite. Cela n'a aucun lien avec l'arrestation de 3 jeunes gens à Mukike le soir même de ce mardi. Les sources policières à Bururi informent que les 3 jeunes gens, tous originaires de Kakaranga, ont été arrêtés pour avoir malmené un militaire en tenue civile, lequel militaire est allé alerter ses compagnons d'armes. Ces derniers sont vite intervenus et ont mis la main sur ces jeunes gens qui apaisaient leur soif dans un bistrot. Alors que certaines sources à Mukike parle de torture infligée à ces jeunes gens lors de leur arrestation, le commissariat de police à Bururi dit ne pas détenir ces informations puisque ce sont des militaires qui les ont arrêtés. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Criminalité sur la colline Guitang en commune et province Bubanza. Un champ de bananiers d'environ 1 hectare de la famille Vasila Kumbona Joseph a été complètement détruit par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. C'était la nuit de dimanche. Il y a 2 mois que la même famille, accusée de sorcellerie, a vu ses 4 maisons réduites en cendres. Space Caritas Kavanyana pour les détails. Les habitants de la colline Guitanga, zone Muramba, en commune Bubanza, disent que ce qui s'y passe ces derniers jours n'est pas normal. Viang et Marakia, chef de colline Guitanga, déplore lui aussi ce qui s'est passé dans la nuit de ce dimanche. Un champ de bananiers d'un certain Vasila Kumbona Joseph, d'environ 1 hectare, 0,7 hectare collinaire, a été complètement détruit par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. Ce chef de colline précise qu'il s'est rendu sur des lieux ce lundi, de même que la police, et ils ont interpellé les victimes à saisir la justice. Il y a 2 mois que la même famille a vu ses 4 maisons calcinées et réduites en cendres. Les auteurs des crimes n'ont pas été non plus identifiés, même si les victimes pointent du doigt certains de leurs voisins. Certains membres de cette famille de Vasila Kumbona Joseph, accusés de sorcellerie dans la localité, ont fini par fuir et ils n'ont pas encore regagné leur domicile jusqu'aujourd'hui. Et ce serait même à cause de l'impunité, selon les mêmes victimes qui déplorent ces crimes qui se répètent sans que les auteurs n'en soient inquiétés. De son côté, le procureur de la République dans cette province de Bubanza appelle ses victimes à saisir la justice au lieu de se cacher. Richard Ndayisaba, procureur à Bubanza, recommande également les administratifs à la base de suivre de près cette situation. Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. 2 nouvelles brèves de Mngaro et de Karuzi. 8 personnes de la colline Shana, commune Rusaka de la province Mngaro, sont dans les mains de la police depuis ce mardi. Elles ont été arrêtées après qu'une des parties en conflit au sujet d'une affaire foncière ait affiché un comportement de rébellion au cours de la journée de ce mardi, selon les autorités policières dans cette province. Un des policiers a été blessé lors de cet affrontement. Et 2 familles de la colline Taba de la commune Gihogazi en province Karuzi indiquent qu'elles sont en train d'être malmenées par un groupe de jeunes gens non encore identifiés. Elles font savoir que leurs maisons ont été détruites vers la matinée de ce lundi et précisent être malmenées suite à leurs convictions politiques. L'administrateur communal de Gihogazi fait savoir qu'il suit de près cette question et qu'il a déjà convoqué certains des accusés. Place maintenant à notre invité. À la source, interview. Notre invité, c'est Albert Mbonerane. Il est environnementaliste. Il nous parle du danger qui guette les gens qui sont en train de construire des maisons le long de la rivière Nahangwa. Il répond au micro de Francine Dihokogadio. Albert Mbonerane, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi le dossier qui concerne la protection de la rivière Nahangwa. Aujourd'hui, des berges de la rivière, des maisons continuent à s'écrouler, mais des parcelles aussi continuent à être distribuées là-bas. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui? La situation est très déplorable, mais je dirais que ce qui nous étonne, j'ai l'impression qu'il y a des gens, surtout nos dirigeants, qui ne se rendent pas compte de la gravité de ces catastrophes. Quand vous observez ce qui se passe du côté de Kigobe Sud, ou bien du côté même de Jabé, ou bien si vous montez du côté de Mutanga Sud, il y a des infrastructures qui sont en train de tomber. Je me souviens, dans les années 2003-2005, j'étais en charge du ministère de l'Environnement, et après avoir appris de l'Université du Burundi qu'il y avait une étude qui avait été faite montrant la fragilité et la morphologie de ce bassin de la rivière Ntahangwa, et en collaboration avec la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, nous avions indiqué des zones qui n'étaient pas du tout constructibles. Aujourd'hui, quand vous y allez, ce sont des agglomérations de la morphologie de ce bassin de la rivière Ntahangwa. Mais aujourd'hui, des gens me disent non, nous avons respecté la disposition du code de l'eau, nous avons respecté les 25 mètres, mais quand on voit combien les berges de cette rivière continue à tomber, il y a 2 choses qu'on ne connaît pas. ou qu'on ignore. Il y a ce qu'on appelle le lit mineur de la rivière, c'est là où coule l'eau. Et puis il y a ce qu'on appelle le lit majeur, c'est toute la surface, disons, cette zone tampon au bord des berges. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont construit là-bas n'avaient pas eu la permission de bâtir? Oui, c'est ça le danger. À quoi ça sert de continuer à attribuer des parcelles dans une zone vraiment qui est, je dirais, fragile? Les gens qui acceptent les attributions de ces parcelles, est-ce que c'est par ignorance? Je ne crois pas, parce que ça fait longtemps que l'on continue à crier. Mais à quoi ça sert d'investir dans la construction d'une belle maison qui, 2-3 ans après, va être emportée par la rivière? Moi, je me dis qu'il devrait être conscient. Mais la grande faute revient à qui? La grande faute revient à la personne qui attribue des parcelles dans des zones, je dirais, non constructibles. Est-ce qu'ils ont fait des études d'impact environnemental pour voir si réellement ces zones sont constructibles ou pas? Qui va incomber la responsabilité si de telles catastrophes continuent à s'observer? Il y a les gens qui sont en train de construire. Ces gens vont me dire, nous construisons en légalité. J'ai eu l'attribution de la parcelle, j'ai eu l'autorisation de construire. La première responsabilité revient à qui? À l'autorité qui a attribué la parcelle et qui a donné l'autorisation de construire. Et cette autorité représente qui? Il représente l'État. Tout ce qui va tomber, c'est à la charge de l'État. Vous avez déjà entendu des gens qui disent « mais il faut que l'État vienne au secours ». Maintenant, il faudrait éviter qu'on dise qu'il faut que l'État vienne au secours. Parce que si l'État doit mobiliser des moyens, c'est toute la population finalement qui est concernée. Mais si aujourd'hui on disait « respectons les clauses et les dispositions du code de l'eau », ça c'est prévenir. Il ne faudrait pas que l'homme soit un des acteurs des catastrophes naturelles. Albert, bonne année, merci. Merci beaucoup, il faut plaider pour la nature. Merci madame, merci messieurs, merci à vous tous qui avez suivi ce journal mis en onde par Eric Ouimana. Encore une fois merci au micro Jean Bosco Ouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.